le chat sauter sur une table. En sautant, il a tout fait tomber. C'était pour attraper un dé. Ce chat devrait se faire gronder. A, B, C, D. Le chat bu le lait sur la table. Le chat bu le lait du bébé. Quand le bébé l'a caressé, le chat en a redemandé. A, B, C, D. A, B, C, D. A, B, C, D. A, B, C, D. A, B, C, D.